Le 17 décembre, jour de deuil national suprême, les militaires et civils de différents milieux ont visité le palais du soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage au général Kim Jong-il. Ils sont entrés dans le hall où se trouvent les statues en pied des grands leaders. Y était déposée une corbeille de fleurs au nom du maréchal Kim Jong-un. Il se trouvait également les corbeilles de fleurs au nom commun du comité central et de la commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée, du comité des affaires d'État, du présidium de l'Assemblée populaire suprême et du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée. Les participants ont formulé leur hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Ils se sont inclinés devant le corps embaumé du général Kim Jong-il.